La nouveauté à la maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine, Dangereux 7, de James Wan, en français et en anglais. Le plus important dans la vie, ce sera toujours la famille. Les gens qui sont là, qui nous entourent. Y'a que ça de vrai. Allô ? Dominique Toretto, tu me connais pas, mais tu vas me connaître. Qui a fait ça? Tu te souviens de Winshaw? Lui, c'est son grand frère méchant. C'est un assassin dans les forces spéciales. Ils ont créé un monstre. On est traqué. Shaw vit dans un monde qui n'a pas les mêmes règles que vous. Que vous le vouliez ou non, vous et vos amis en faites maintenant partie. J'ai pas d'amis. J'ai ma famille. Cette fois-ci, faudra plus que les prendre de vitesse. Est-ce que quelqu'un pourrait au moins me dire ce qu'on est censé faire? Hey, Roman, tu vas aller prendre l'air? C'est quand tu dis que les choses peuvent pas aller mieux, hein? On a des mercenaires aux trousses qui ont assez d'armes pour décimer un petit pays. Avec ça, la folie vient d'atteindre un tout nouveau sommet. Alors, c'est quoi le plan? Une dernière virée. Non, je regarde pas. Aussi à la maison du cinéma cette semaine, La Leçon, de François Girard, en anglais avec sous-titre français. Marinoni, de Tony Girardin, en français, Le prix à payer, de Harold Crux, en anglais avec sous-titre français, Prison 101, de Ethan Cohen, en français et en anglais, En route, de Tim Johnson, en français et en anglais, La passion d'Augustine, de Léa Poule, en français, Le tireur, de Pierre Morel, en français, Insurgé, de Robert Schwantke, en français et en anglais, L'empreinte, de Carole Poliquin et Yvan Dubuc, en français, Cendrillon, de Kenneth Branagh, en français, Toujours Alice, de Wash Westmoreland et Richard Glatzer, en français, Le jeu de l'imitation, de Morten Tildum, en français.